A chaque pause méga dose, mais je zappe ni je mate ni la une ni la dose, ouais. Ni la tresse, ouais. Pour la dose qui te dresse, tu connais l'adresse, ouais. C'est pas le 93. Hey. Le cœur est morose et seul le lin est rose. Rien ne va changer même si j'augmente la dose. Avant qu'explose la terre, la stratégie j'expose. On crée la névrose pour que t'augmentes la dose. Un jour tu oseras relever la tête. Pour l'instant la porte est close, donc augmente la dose. Méga dose versée par terre pour les innocents qu'on arrose. Le marché nous a baisés, je regarde les frères se faire abaisser. Pour un salaire se faire en laisser fermer sa gueule, ne faire qu'encaisser. Sans presser de s'engraisser sans précédent. La colombe est amiantée, nos addictions sont manigancées. La frustration est alimentée comme en patienter. J'arrive en balle comme un trafiquant d'armée. Comme lui j'irai partir en paix. Gros là je suis premier degré, j'ai raté ma vie si je finis pas au 33ème. La chatte de ta mère la bretonne est plus importante que celle de 100 maliennes. Qui gère les coefficients, qui prémédite les attentats. Hier ne m'attends pas si mère, j'ai déjà une haine proéminente pour m'accompagner. J'ai de l'amour pour mon prochain, mais je refuse d'être le prochain. Personne viendra me reprocher d'avoir vécu les deux couilles accrochées. Je regarde la fin s'approcher, je recherche une chambre pas trop chère. Je me souviens lorsque je couais mon rocher, j'avais pas tous ces besoins de facochère. A nos chaînes à ôter, à vos schnecks écorchés à l'hôtel. Bang. Pour la hagla, pas de week-end. Bang. La guerre pour la paye est ce week-end. Bang. Les larmes et le sang essuyés. Le chemin du McDo indiqué. Pour le reste, on va pas t'aiguiller. La plupart du temps, j'en ai rien à foutre de dénoncer. Je ne veux que me défoncer. Rechercher la montée pour ne pas me lamenter. Avant d'être millionnaire à esclavouillant, cliché apparenté. Fuck si tu perds la tête, tant que tu payes ta dose. Ha ha ha ha, fuck si tu perds la tête, tant que tu payes ta dose. Ha ha ha ha, fuck si tu perds la tête, tant que tu payes ta dose. Ha ha ha ha, fuck. Si tu perds la tête, tant que tu payes ta dose. Ha ha ha ha. Mutation amorcée, je suis déjà à un stade avancé. Je ne suis qu'une créature des multinationales, son rafale cadencé. Ravale ta pensée, tout le monde le fait pour toi, tu n'as plus qu'à danser. Parfois j'ai honte quand je pense qu'à me droguer et baiser vos filles comme un putain de vacancier. Oi. Méga dose caché dans l'aine, en jolie vue, une routine vraiment pas démentielle. Là que j'enchaîne, mais j'paierai à l'essentiel. Le maître est sans fouet, son esclave et s'enchaîne. Méga dose carré dans le zen, tu veux planer dans le ciel. Depuis tout petit, je vois mes parents maqués par la banque. Je ne fais pas du rap pour prendre les armes dans le clip et rafale et en l'air. Fuck, montagne de dose, faut que je combatte le trône. Contacte le boss, faut que dans son trou de balle, je zone fort comme bombardement de phosphore, je prendrai pas de pause. Fuck, montagne de dose, faut que je combatte le trône. Contacte le boss, faut que dans son trou de balle, je zone fort comme bombardement de phosphore, je prends. Je prendrai pas de pause. Aïe, aïe. Méga dose vide mon regard quand je pense beaucoup. Aïe, aïe. Méga dose quand y'a plus d'espoir, plus de sang Goku. Aïe, aïe. Que des fous dans nos troupes, que de la chair à canon dans nos couilles. Aïe, aïe. Je vais briser mes chaînes, fuck briser des schnecks en autre. Fuck si tu perds la tête, tant que tu payes ta dose. Ha ha ha ha, fuck si tu perds la tête, tant que tu payes ta dose. Ha ha ha ha, fuck si tu perds la tête, tant que tu payes ta dose. Ha ha ha. A chaque pause méga dose, mais je zappe ni je mate ni la une ni la dose, ni la tresse. Pour la dose qui te dresse, tu connais l'adresse. C'est pas le 93. Méga dose.